garde un merveilleux souvenir de tes cris, de nos soupirs, de cette belle nuit d'amour qui lui donna le jour, tu sais. Bien sûr, rien n'était programmé, on s'est soudain surpris à s'aimer sans calcul. Les pendules s'étaient arrêtées et maintenant elles tournent depuis bientôt 3 semaines. Oh, tout s'effondre autour de moi. Notre avenir s'embourbe, ta mère qui fait des siennes. Oh, viens te blottir dans mes bras. Je n'ai pas à tout, mais tu vois cet enfant, il est à nous. Ne laisse pas le système prendre le pas sur nos je t'aime. Je bosserai comme un fou, je ne vivrai rien que pour. Pas l'idéal, mais après tout, on n'a rien fait de mal. La grossesse t'ira si bien, détruira ton chagrin. Ouais. C'est pas notre faute, on nous a caché que pour l'amour, fallait se préparer. On est seul, ils nous en veulent. De s'être embrassé. Dans ton corps, y a ma vie qui pointe le bout de son nez. Oh, ne viens pas nous délier. C'est tout à fait normal que tu saches plus qui tu es. Mais je les laisserai pas te faire du mal. Je n'ai pas réponse à. Mais tu vois cet enfant, il est à nous. Ne laisse pas le système prendre le pas sur nos je t'aime. Je bosserai comme un fou, je ne vivrai rien que pour. Séchant, mais tu as mis ta robe à fleurs, me donne de cachets de couleurs dans la main. Après un très long soupir, et dans le coin, un petit sourire, serait-ce que tu es d'accord pour notre cœur à corps? Serait-ce que tu y crois? Pour nous trois.